Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 20. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 29 janvier 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es fondu savoyarde, tu es Courchevel, tu es Chasse-Neige, tu es 4807 mètres, tu es Chamois d'Or et tu es aussi... Ça c'est mes skis, ils ont fait deuxième à Grand Montana, c'est ce qu'il a. Oh, j'ai les pilés devant Critérium. Oh, j'ai une pêche les gars, wouh. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es là-haut sur la montagne, tu es sport d'hiver. À partir du week-end prochain, la transhumance des amateurs de la montagne va commencer. Pendant plusieurs semaines, des millions de Français vont enfiler leurs chaussures de cosmonautes pour aller taquiner la poudreuse sur les pentes enneigées des Alpes ou des Pyrénées. Et oui, c'est comme ça, la montagne, ça te gagne. Alors pour celles et ceux qui n'auront pas la chance cette année de pouvoir déguster un vin chaud sur la terrasse d'un restaurant d'altitude, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin de t'organiser un voyage au cœur de la montagne. Donc, dans l'heure qui vient, on va tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle des pentes enneigées. Pour commencer, il faut tenter de retracer l'évolution historique de la montagne en hiver. Ensuite, il faudra dresser une galerie de portraits des principaux personnages que tu peux croiser à la montagne. On enchaînera sur une interview exclusive de Guy Bedos qui viendra nous dire pourquoi il n'aime pas le ski. Puis, nous avons tenté d'imaginer une randonnée en raquette en haute montagne et enfin, te raconter les aventures montagnardes de Monique et Jean-Claude le week-end dernier dans une station de ski des Alpes. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et lance-toi sur la piste, tout chousse. Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you understand. When I feel that something I Want to Hold Your Hand, chantent les Beatles en 1963. Je veux tenir ta main, c'est sans doute la phrase que l'on prononce le plus souvent la première fois que l'on chausse des skis. Alors, pour commencer cette émission sur le ski, à l'heure des sports d'hiver, il est nécessaire de faire un détour par l'histoire pour mieux comprendre comment la montagne en hiver est passée d'un espace longtemps répulsif à un monde dynamique et attractif. Il y a encore un siècle, l'hiver à la montagne, c'était le temps de l'isolement. Bêtes et hommes restaient au chaud dans les chalets, car la neige recouvrait pâturages et champs. Fini l'inalpage, les mois d'hiver étaient alors réservés à la réparation des outils. Mais l'hiver, c'était parfois le temps de l'artisanat. Le paysan de montagne profitait de la morte saison pour fabriquer de petits objets qu'il pouvait vendre dans la vallée. Des montres, des lunettes, des pipes. Pour les plus jeunes, cette période de désœuvrement, c'était l'occasion pour partir à la ville, gagner un peu d'argent. Au XIXe siècle, alors que se mettent en place dans l'imaginaire collectif les grands stéréotypes qui perdurent de nos jours, le petit Savoyard, c'était le ramoneur, couvert de suie, habillé de noir avec un foulard rouge et une échelle dans le dos. Et le départ pour quelques mois à la ville, c'était l'occasion de belles paroles et de beaux serments à la bergère que l'on quittait. Étoile des neiges, mon cœur amoureux, s'est prise au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Avec l'industrialisation et l'urbanisation de la France, l'exode rural s'accélère et la montagne se vide d'une partie de sa population. La ville magique, promesse de réconfort, fait alors rêver. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Le début du XXe siècle voit s'amorcer ce qui va révolutionner l'économie de la montagne, à savoir le ski. L'objet, jusqu'alors anecdotique et utilitaire, devient doucement loisir. Avec les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix en 1924, les Français découvrent un nouveau sport et certains villages s'équipent pour attirer les premiers touristes. Ce sont les stations de première génération vers 1000 mètres d'altitude qui accueillent quelques aventuriers venus à la montagne pour les congés payés. Quelle bonne idée de venir cette année dans les Pyrénées passer notre congé. Sortons sans retard, l'habit montagnard, ça va me changer. J'ai mon costume de pompier. Heidi, oh, la plume au chapeau. Heidi, oh, les souliers à clous. Heidi, hé, les petits piolets. Partons le sac au dos. Heidi, oh, sors le jambonneau. Heidi, et le vitaminé. Si jamais nous restions isolés. Le risque est en effet de rester isolé. Ce n'est qu'après 1945 que les pouvoirs publics s'intéressent véritablement à la montagne et que l'État investit pour mettre en place des infrastructures de transport et d'hébergement. Ce sont les stations de deuxième génération vers 1800 mètres d'altitude qui accueillent les touristes des Trente Glorieuses. Ainsi, des milliers de bambins partent en classe de neige et passent leurs flocons. L'explosion du tourisme en montagne l'hiver a lieu dans les années 60-70, sans doute encouragée par l'événement sportif de l'année 1968. Attention, Flash Inter. Pierre-Étienne présente Interactualité. Depuis 25 minutes maintenant, c'est officiel. Jean-Claude Killy est champion olympique de slalom spécial. Il remporte 3 médailles d'or à Grenoble. Killy réussit ainsi le grand chelem. Les 3 médailles d'or obtenues par Jean-Claude Killy au JO d'hiver de Grenoble en 68 ont permis à la montagne de faire de nouveaux adeptes et d'attirer un tourisme de masse. Dans les années 60-70, des stations de sport d'hiver de 3e génération sont créées, le plus souvent par des opérateurs privés avec le soutien de l'État. Ce sont des stations de haute altitude, là où le risque de ne pas avoir de neige est réduit. Oui, dans les années 70, quand tu veux paraître jeune et moderne, il est impératif que tu ailles faire du ski. Valéry Giscard d'Estaing a donc, je vous le disais, quitté l'Elysée cet après-midi pour Le Blanchot. Le Blanchot, c'est le nom du chalet qu'il possède à Courchevel, où, en compagnie de sa famille, il va prendre quelques jours de détente, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, dit-on, avec un aller-retour à Paris pour présider le Conseil des ministres de mercredi. Jean-Jacques Moria, vous avez assisté à l'arrivée du président. Comment cela s'est passé et a-t-il déjà chaussé les skis ? C'est un président muet qui est arrivé à Courchevel. Pas une fois, Valéry Giscard d'Estaing n'a desserré les dents. Il veut être un skieur parmi les autres et refuse de se prêter au jeu de l'interview. Vers 2h moins le quart, cet après-midi, il est arrivé de Chambéry par la route, au volant de sa voiture, alors que tout le monde, ou presque, l'attendait en hélicoptère. Il était accompagné de sa femme et de ses filles, pantalon gris vert et pull bleu marine, il est monté vers son chalet. 1h30 à peu près pour déjeuner, les skis sur l'épaule, il est allé en direction des pistes, accompagné de son moniteur. Il y avait beaucoup de soleil sur Courchevel, il y avait aussi beaucoup de monde sur les pentes. Beaucoup de monde sur les pentes, de quoi faire une bataille de boules de neige. Alors voilà, la montagne en hiver est passée d'un statut d'espace répulsif, marqué par l'isolement, à un espace super attractif, celui des loisirs et des sports d'hiver. La montagne est aujourd'hui aménagée pour accueillir des fanas de la glisse. Les situations sont très diverses, allant de la petite station de village proche de la vallée à l'énorme complexe front de neige en altitude. La montagne séduit les Français, prêts à subir toutes les humiliations pour descendre les pistes enneigées. J'ai été faire du ski dans la région pour la première fois de ma vie. Et sérieux, le ski, c'est un truc de fou, j'avais jamais fait, hein, j'avoue. Hein. À la base, je viens d'un pays où c'est pas le sport national. Hein. T'as remarqué que quand t'es débutant, tu penses toujours que la pente, elle est trop en descente. Le mec il dit ouais mais c'est trop comme ça. Eh quoi, tu veux comme ça, monter ? T'es là comme ça, tu prends ton courage à deux mains, tu vois, t'es là, tu vas y aller, c'est la première fois de ta vie que tu vas skier, t'es là, t'as le cœur qui fait. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe, il te fout la honte, international, super skieur, genre. Toi t'as pas décollé, t'es là, tu regardes. Tu connais le tire-fesse ? C'est un truc, tu veux le prendre, c'est jamais à ton tour de le prendre. Je sais pas pourquoi, le mec il veut pas. Celui-là, non, c'est pas pour toi. Mais il est vide, c'est moi qui décide, y'a pas. Sauf que toi, t'es en suspense de tire-fesse. Tu dis putain, bientôt ça va être à moi, il va me dire d'y aller, attention. Ah. Et quand il te dit d'y aller, il faut pas te rater, oh ! Tu dis faut pas que je tombe, et tu tombes du tire-fesse. Et là, t'as un réflexe. Tu restes accroché au truc. Tu remontes, il te manque un gant, il te manque un ski. J'en pouvais plus, quoi. J'ai regardé ma copine et je lui ai dit, ma chérie, viens, on arrête le ski 2 secondes, on va aller boire un coup, on va aller au restaurant d'altitude, parce qu'il y a le restaurant d'altitude dans les stations de ski. Le restaurant d'altitude, c'est quoi ? C'est un restaurant comme tous les restaurants, sauf qu'un Coca-Cola, ça coûte 19 euros. Je te jure, avant de commander le Coca, tu étais là, on dirait tu vas acheter un appart. J'appelle des copains, t'es sûr ça vaut le coup? Je peux le revendre ou pas? 19 euros le coca, finalement je l'ai acheté, j'ai dit à ma copine, prends-moi au moins une photo avec. Hey, je te jure, 19 euros le coca, tu l'attaques pas direct. Hein. Tu te balades un peu dans le resto, un peu avec comme ça. Aïe, 1 euro! Et oui, le ski reste un loisir assez cher, mais qui attire toujours chaque saison en France près de 8 millions de touristes. Les sports d'hiver sont pour certains un idéal et sont surtout un enjeu majeur de la vie économique. Un enjeu majeur car la vie n'est pas un jeu, mais c'est un idéal. La vie n'est pas un jeu, c'est un idéal. La vie n'est pas un vœu, qu'importe les étoiles. Tant de ciel sans arc-en-ciel, des millions de toits, des millions de mois, des millions de... pas un feu, c'est une étincelle. On peut rêver de mieux, on peut brûler ses ailes. Tant de ciel sans arc-en-ciel, des millions de toits. Qu'elle veut, on se sent éternel. Quand elle nous dit adieu, on attend des ailes. Tant de ciel sans arc-en-ciel, des millions de toits, des millions de mois, des millions de fois. La vie fait ce qu'elle veut. La vie fait ce qu'elle veut. La vie fait ce qu'elle veut, c'est ce que chante Hubert Mounier sur un album intitulé Voyager léger, parce que si tu veux gravir la montagne, il vaut mieux ne pas être chargé comme une mule. Sauf si tu veux gagner 7 fois le Tour de France, par exemple. Alors, pour continuer notre voyage sur les cimes enneigées, après avoir survolé l'histoire de la montagne en hiver, il est temps maintenant d'essayer de dresser une galerie de portraits des personnages improbables que tu peux croiser sur les routes de montagne en hiver au détour d'un col. Qui sont-ils exactement ? Dans ces régions reculées, de forte altitude et parfois hostiles que sont les montagnes, il ne faut jamais oublier que certaines personnes ont décidé d'y vivre toute l'année. Ainsi, on comptabilise aujourd'hui par exemple 1 million de Savoyards perchés sur le massif alpin. Et malgré l'amplitude thermique et les fortes contraintes qu'impose le grand froid, il faut savoir que les montagnards ont une vie tout à fait normale. Désormais, leurs villages sont équipés du confort moderne et possèdent même des banques, des commerces et des pharmacies. Cela dit, quand tu es adolescent savoyard, il faut tout de même descendre dans la vallée tous les jours pour suivre les cours du lycée. Et c'est là justement que tu croises notre premier personnage de la montagne, à savoir cette jeunesse insouciante et champêtre qui descend au bahut quand toi, tu montes à la station. Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Elle est très sympa, la fille du coupeur de juin. Alors, une fois arrivée à la station, à 2500 mètres d'altitude, tu te rends bien compte que la montagne est belle. Mais bon, faut faire gaffe parce qu'elle est aussi pleine de dangers que tu ignores. Aussi, quand tu veux découvrir la beauté de ce site somptueux, le mieux, c'est de faire appel à un type chevronné, à notre deuxième personnage donc, à savoir le guide de haute montagne. France Inter. Édouard Balladur, premier de cordée, lui devant et ses amis politiques derrière. Ils sont partis cet après-midi pour une randonnée au-dessus de Chamonix, où l'ancien Premier ministre passe quelques jours de vacances. Une journée à la montagne, pas tout à fait dans l'intimité, puisque les journalistes étaient là, parmi lesquels Marie-Ève Malouine. Les plus aguerris, comme François Léotard et Nicolas Sarkozy, avaient enfilé jeans et solides de chaussures de marche. D'autres, comme Patrick Devedjian, avaient improvisé avec des mocassins de bateau. Simone Veil s'est contentée de simples trotteurs confortables, mais assortis à son tailleur. L'essentiel, c'était de paraître décontracté. Cette balade des baladuriens se voulait avant tout amicale. Et dans le rôle du guide faisant découvrir les beautés de la montagne, Édouard Balladur paraissait ravi. C'est une journée amicale qui a pour objet de passer quelques heures ensemble. Dans un cadre inhabituel et extrêmement beau, du moins c'est ce que je crois. À plus de 2000 mètres d'altitude, sous le soleil, les baladuriens se sont attablés devant du jambon de pays et des frites, accompagnés d'un verre de fendant pétillant. Ils ont devisé plaisamment sous l'œil des caméras, offrant l'image d'un groupe d'amis profitant simplement de l'air vif de la montagne. Aujourd'hui, guide baladurien, ça n'existe plus. Mais bon, rassure-toi, à Chamonix, tu trouves aussi de vrais guides. Alors, une fois repérés les lieux, tu peux ensuite aller louer un équipement de ski alpin pour te lancer sur les pistes damées toute la nuit par les gros engins à chenilles. Et si tu désires perfectionner ton style, tu peux avoir affaire à notre troisième personnage, à savoir le moniteur de ski siglé ESF dans sa légendaire combinaison rouge et bleu. En général, il a un sacré niveau de ski. Ton moniteur. Le grand Jean-Claude Killy, un jour à Chamonix, se faisait bien du souci en chaussant ses beaux skis. Il se dit sapristi, quel fichu temps pourri, c'est pas joli, joli pour courir aujourd'hui. Un petit gars du pays s'approcha et lui dit: te fais pas tant de soucis, c'est gagné mon Killy. Va douce mère! C'est tout bon, oh, c'est tout bon, bon, bon, c'est tout bon. Killy, c'est bon, c'est tout bon. Va doucement, c'est tout bon. Va doucement, te dit Killy, le moniteur de ski. Ensuite, après quelques heures de glisse, il arrive souvent que tu t'installes à la terrasse du Dahu, le restaurant planté au milieu des pistes. C'est là qu'en général, tu croises notre quatrième personnage montagnard, à savoir le touriste suisse. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barre Vauvaltine, c'est de la dynamique. Diététique, de l'effort. Toujours une rencontre explosive. À la fin de la journée, quand les pistes ferment et que la nuit tombe, tu rejoins l'ambiance feutrée du village sous la neige. De retour vers ton hôtel, les skis sur l'épaule, les bâtons en vrac et les jambes en coton, tu passes alors devant la patinoire olympique de la station. C'est là que tu observes notre cinquième personnage en pleine préparation des JO de Turin. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait, il patinait. Sur une jambe, il patinait. Il patinait déguisé en Lucky Luke, comme son idole Philippe Candelero. Après cette journée épuisante et avant de retrouver ce lit qui t'attend, tu t'enquilles quelques verres de Genépi près de la cheminée du bar de l'hôtel. C'est là que tu repenses à tous ces personnages montagnards croisés dans la journée. Et tu te dis qu'un jour peut-être, excédé par ta vie citadine, tu viendras vivre chez notre sixième personnage. Quand je serai fatigué d'un métier où tu marches ou tu crèves, lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Ah, la dame de Haute-Savoie, un refuge dans la tempête neigeuse de tes élucubrations. Alors, nous voilà arrivés à mi-parcours de cette émission et pour enrichir notre regard sur l'univers de la montagne en hiver, nous avons joint cette semaine au téléphone un homme à l'humour qui grince, à savoir le cynique Guy Bedos. Pour commencer, nous lui avons demandé si, d'une manière générale, il aimait ça, la montagne. Réponse juste après le jingle. C'est j'aime bien l'ambiance, les auberges, oui, effectivement, la fondue, la raclette, les gens qui ont un peu couperosé, ils croient qu'ils ont mangé, non, ils sont rouges. Mais c'est gay, c'est quelque chose de parce que ça ressemble à l'idée que je me faisais de la France. Quand j'étais petit en Algérie, je pensais que la France était bâtie en bois, avec des maisons de bois et des gens... avec des grosses écharpes rayées et des sabots, vous voyez. Bon. Mm-hmm. Donc, il y a des ambiances de sport d'hiver et nous avons le soir qui ressemble un peu à ça. Ça me plaît parce que c'est vraiment dépaysant pour moi. Alors, certes, tous ces paysages montagnards sont dépaysants, mais est-ce que vous aimez skier, Guy Bedos ? Non, définitivement non. Ma femme... sans bien demander mon avis, avait retenu des places pour m'emmener en Laponie. J'ai beaucoup fait rire là-bas. J'ai fait du ski ça s'appelle, oui, voilà, du ski douce, c'est-à-dire, en fait, du scooter des neiges, et je me prenais pour Steve McQueen dans La Grande Évasion, sur les lacs gelés, et j'ai failli me foutre en l'air au moins 18 fois, donc non, c'est pas mon truc, ça fait pas parler de ma culture, je suis né en Afrique du Nord, en Algérie, et je suis très très dangereux aussi, c'est-à-dire que je peux partir sur une piste noire, et atterrir dans le fuseau de la femme du directeur de la station. Si ça, c'est parce que ça m'est arrivé. Bon, c'est un peu brutal comme tactique d'approche. Alors, visiblement, vous n'aimez pas le ski, Guy Bedos. Mais alors, que faudrait-il vous promettre pour vous convaincre tout de même de skier quelques heures avec vous ? En d'autres temps, j'aurais dit une esquimaude blonde, vous voyez, quelque chose de rare. Alors, nous y voilà. Vous avez déjà eu des rencontres à la montagne ou pas ? Non, parce que j'étais toujours en main. Pour parler familièrement. Non, j'y suis toujours allé avec des femmes que j'avais plus ou moins épousées ou enfin avec qui j'avais une relation officielle. Donc, c'est pas par esprit de fidélité, c'est que je suis d'une lâcheté folle vis-à-vis des femmes et que, voilà. Vous avez peur que ça dérape sur place, en fait. Voilà, j'ai évité les dérapages là-bas. Pour tout vous dire, ce que j'aime bien, c'est la neige, mais... J'ai gardé un rapport très enfantin à la neige. J'en suis à la bataille de boules de neige et au bonhomme, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que pour faire ça, Courchevel est une station trop chère. C'était Guy Bedos pour La Panique au Mangin Palace. Dinner at 8, that sounds fine. I suppose it means we'll turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I opened the door and you walked in. The scent of wild jasmine. The room seemed to freeze in time. My regular table will be just fine. Radiant and elegant you might be, but your concentration is so golightly. Both of your eyes reflecting the moon. You really think you own the room. What game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Get up, reading the signs. It's turning out to be a real good time. Who'd have thought that entertainment lies in the winter of your discontent? Now, sit at the table face to face. Queen takes pawn, check on checkmate. I feel your foot brush against my leg. Not that easily laid. You flutter your eyes and you toss your hair. I have to say that it is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store. You win the battle, but I'll win the war. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? Even if you do, that's okay. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? If you do, that's okay. Get Your Way par Jamie Cullum, extrait de son album Coaching Tales. Get Your Way, suis ton chemin, parce que quand tu fais du ski, le mieux, si tu ne veux pas finir en bonhomme de neige sous la poudreuse, c'est de suivre le chemin des pistes damées. Alors, pour poursuivre notre exploration de la montagne en hiver, La Panique au Mangin Palace te propose maintenant une petite randonnée dans la montagne. Allez, remplis ta gourde, enfile ta doudoune, chausse tes raquettes et mets ton bonnet. Nous t'emmenons faire une balade en Savoie à la découverte de la faune et de la flore. Savoie, quel beau pays là-bas. Savoie, les bons fromages que v'là. Savoie, la crème Mont Blanc colle pas aux doigts. La crème Mont Blanc colle pas aux doigts et la crème solaire s'étale sur le visage pour cette escapade en montagne. Mais tout d'abord, c'est quoi la montagne ? Eh bien, c'est un relief marqué par de fortes dénivellations entre la vallée et le sommet, avec des versants abrupts. La montagne, c'est un versant ensoleillé, l'Adré, et un versant moins ensoleillé, l'Ubac. Et tu t'en doutes, nous, on va gravir la montagne sur l'Adré, on aura plus chaud. Eh bien oui, rigole maintenant parce qu'après, ça ne va pas être de la tarte. Nous partons donc de la vallée alpine pour gravir la montagne. Nous traversons rapidement l'étage collinéen, celui qui est exploité par l'homme avec ses champs en terrasse, parfois ses vignes, ses châtaigniers et ses chênes. Vers 900 mètres commence l'étage montagnard. Les hêtres et les sapins dominent alors et là, surprise, tu rencontres une chèvre. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. « Déjà, » dit la petite chèvre. Et elle s'arrêta fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard. Et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh, ouh. Eh oui, la montagne, c'est aussi le domaine des loups. Il y aurait aujourd'hui une trentaine de loups en France. Et pour mieux comprendre ce que représente le loup dans les montagnes, la panique au Mangin Palace a dépêché dans les Alpes un envoyé très spécial que nous avons chargé d'interviewer un de ces rustres éleveurs de moutons. Eh bien oui, mon cher Philippe Collin, je suis sur le terrain, comme on dit, dans notre jargon, car je suis effectivement en pleine montagne, à une altitude à peu près de 1000 mètres environ. Des creux, des bosses, c'est ici magnifique. Il n'y a pas de neige ici, mais de la verdure, de la bonne herbe tendre pour les moutons, que vous devez entendre sûrement derrière moi, car je me dirige même vers un troupeau. Et de dos, j'aperçois un berger assis sur un rocher. Je vais essayer d'engager la conversation. Car dans ces pays de grande solitude, il est bon d'avoir un peu de chaleur humaine. Dites-moi, noble pâtre, c'est grandiose ici. Il ne me répond pas, je réitère ma question. Alors mon brave, c'est beau ici. Toujours rien, il doit être sourd. Oh, c'est chouette comme coin, non? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a la tête baissée. Je m'approche de plus près. Oh non, c'est pas vrai. Il a un ordinateur portable sur les genoux et il est branché sur Internet. Mon cher Philippe Collin, voilà même ici les ravages de l'informatique. Quant à moi, je retourne dans la vallée retrouver un peu plus de chaleur humaine. Allez, je vous laisse. C'était Émile Fouchetard, perdu dans la montagne, pour la panique au Mangin Palace. Émile Fouchetard, la force de l'expérience liée à la fougue de la passion, un collaborateur hors pair descendu de la montagne. Alors poursuivons notre ascension en évitant les loups et vers 1600 mètres, nous arrivons à l'étage subalpin. Là, il n'y a plus de feuillus, mais seulement des résineux. Et dis-toi que tu as de la chance, que nous soyons en hiver et surtout que nous soyons dans les Alpes. Car à la même altitude en été, dans les Pyrénées, tu peux croiser... Le gros ours, le gros ours, court dans la forêt. Le gros ours, le gros ours, va te rattraper. Oulala, qu'est-ce qu'il trace? Il vient se reprendre, il se déplace, ses petits yeux me foutent les boules. Je vais te faire des trucs pas cool. Oulala, qu'est-ce qu'il trace? Qu'est-ce que je voudrais pas être à ma place? Il me nique à la course! C'est moi le gros ours! Bon, l'ours c'est une chose, mais tu peux croiser aussi, en montagne, un animal bien plus rare et bien plus mystérieux. Un animal qui a fait fantasmer des générations d'alpinistes et qui peut redonner un sens à ta vie. Je trouvais ma vie un peu terne jusqu'au jour où je décidais de traquer au fond des cavernes le dahu qui ne sort jamais. J'ai pris mes skis, mes bâtons, et puis j'ai sauté d'un seul bond dans le premier chemin de fer qui démarrait pour les sports d'hiver. Qu'est-ce qui monte les monts les bras? C'est le dahu. Qu'est-ce qu'on voit quand l'hiver est froid? C'est le dahu. Qu'est-ce qui marche de gagne pas? C'est le dahu. Qu'est-ce qui est à fond qu'on ne croit? C'est le dahu. Et oui, comme tout le monde le sait, le dahu a une particularité anatomique. Ses pattes de gauche sont plus courtes que ses pattes de droite ou inversement. Il peut donc marcher aisément à flanc de coteau. La chasse au dahu est simple, il suffit de le surprendre par derrière pour l'obliger à se retourner. Et hop, déséquilibré, il tombe, fastoche. Continuons notre ascension, nous quittons l'étage subalpin et avec lui, les arbres. Nous arrivons alors à l'étage alpin, vers 2200 mètres. La limite entre l'étage subalpin et l'étage alpin, la fin de la forêt donc, s'appelle la zone de combat où les arbres luttent pour leur survie. L'étage alpin, c'est l'espace des pelouses et des prairies l'été. Mais chut, ici l'hiver, il ne faut pas faire trop de bruit, car la marmotte hiberne. La marmotte dort, elle hiberne en effet 6 mois par an, puis se réveille pour gambader au milieu des pierres dans les champs de fleurs des alpages. Nous arrivons enfin à l'étage nival, au-dessus de 3000 mètres d'altitude. L'étage nival, c'est le monde de la roche, des neiges éternelles, de quelques fleurs maso comme l'Edelweiss, mais surtout, surtout, c'est le monde de la glace. Et oui, au sommet de la montagne, il y a de la glace. Et au sommet de la montagne, la vue est belle, mais il fait froid. Alors le mieux, c'est de construire l'abri idéal à base de briques de glace, un igloo quoi. Comme un igloo, encore un tube à l'actif d'Étienne Dao en 1991 sur un album intitulé Paris ailleurs parce que, c'est sûr, il arrive parfois qu'à la montagne, à Courchevel par exemple, eh bien que ce soit Paris, mais ailleurs. Alors, pour poursuivre notre exploration de la montagne en hiver, après t'avoir proposé cette randonnée en raquette, il est temps maintenant de retrouver nos deux givrés qui slaloment avec la vie, les sympathiques Monique et Jean-Claude, qui, le week-end dernier, sont allés passer 2 jours dans une station de ski des Alpes. Tout a commencé par un coup de téléphone. Monique et Jean-Claude faisaient tranquillement leur course chez Carouf quand le portable de Monique a sonné. C'était sa cousine Simone, qui vit en Savoie depuis belle lurette et qui tient absolument cette année à recevoir chez elle, dans les Alpes, Monique et Jean-Claude. D'ailleurs, la cousine Simone a été très claire au téléphone. « Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. » Jean-Claude trouve l'idée plutôt excitante. Voilà des années qu'il n'est pas allé taquiner la poudreuse et voilà aussi plusieurs mois qu'il n'a pas eu un week-end en amoureux avec sa Monique. Du coup, nos deux compères en profitent, puisqu'ils sont chez Carouf, pour acheter, sous l'œil totalitaire des caméras de vidéosurveillance, les quelques trucs qui leur manquent pour la montagne. Une cagoule, une paire de gants et un gros anorak kaki, autrement dit un déguisement complet de terroriste corse. En outre, Jean-Claude a ressorti sa vieille paire de skis et en les observant dans son garage, il se pose tout de même une question. Est-ce que ça le fait ? Ouais, ouais, pour que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait ? Ouais, ouais, pour que ça le fasse, je suis en place. Est-ce que ça le fait ? Ouais, ouais, pour que ça le fasse. Oui, pour Jean-Claude, faut que ça le fasse. À la montagne, bordel, on est surtout là pour frimer sur les pistes. Alors, Monique et Jean-Claude sont donc arrivés chez la cousine Simone le vendredi soir dans ce vieux chalet orné de stalactites sous la neige et le vent à 1800 mètres d'altitude. Après une bonne raclette, quelques verres de Genépi et une bonne dose de schnapps que Jean-Claude a sifflé en loose dé dans la cour du Saint-Bernard de la cousine Simone, tout le monde décide enfin d'aller se coucher. En grimpant les escaliers qui le conduisent à sa chambre, Jean-Claude regarde par la fenêtre. Grisé par l'altitude et l'alcool, il devient alors mélancolique et commente ce qu'il voit. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Le lendemain matin, tout le monde s'est levé de bonne heure. Il faut profiter à fond de la journée de ski. Seule contrariété, alors que la météo prévoyait grand bleu, c'est le brouillard complet sur la station. Il fait moins 24 et le blizzard souffle très fort. Mais bon, tant pis, se dit Jean-Claude, on n'a pas assez l'occasion de skier pour ne pas y aller quand même. Donc c'est parti, Monique et Jean-Claude achètent un forfait week-end, le Marmotte, et se pointent en bas des pistes pour prendre les remontées mécaniques. Mais il y a vraiment beaucoup de monde et surtout, ça caille et ça, Jean-Claude, ça l'énerve déjà. Après deux heures de queue, à moins 24 degrés, je viens de choper un rhume, j'ai les orteils gelés. J'avance comme je peux, car c'est bientôt à moi. Le bonhomme vert s'allume, ça y est, je n'ai plus le choix. Un gars me tend une perche qui s'envole aussitôt. Oh non, raté la dèche, je repars à zéro. Tu passes, tu passes, tu me remplis de stress. Tu passes, tu passes, une épreuve qui m'oppresse. Tu passes, tu passes, quelle torture de SS. Tu passes, tu passes, je lance le SOS. Monique, elle, est morte de rire de voir Jean-Claude se prendre une gamelle sur le tire-fesse. C'est vraiment la honte. Dans sa chute, le Jean-Claude, il a même déchaussé et son ski gauche se trouve maintenant 200 mètres plus bas. Ça commence mal. Mais bon, petit à petit, les réflexes de skieur reviennent et très vite, nos deux compères slaloment entre les sapins et le brouillard. Il fait toujours aussi mauvais et Jean-Claude ne cesse de râler. Cela dit, il veut se perfectionner et a tout de même décidé de maintenir le cours de ski particulier qu'il a prévu cet après-midi. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Monsieur Duss, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planté du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Arrivé en haut, Jean-Claude est frigorifié. Il a les sourcils gelés, les pieds congelés, les lèvres gercées, bref, il est fébrile. Mais heureusement, comme promis, son moniteur de ski le conduit vers le Choucard, le restaurant de l'altitude, pour boire un vin chaud. Jean-Claude en boit 8 d'affilée. Il se réchauffe tout doucement, mais déjà, il va falloir repartir. Le brouillard s'épaissit encore et il faut rejoindre la station au plus vite. Jean-Claude va pour payer l'addition des vins chauds et sort son carnet de chèques. Mais il ne trouve pas son stylo. J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige. Il avait dû coûter bonbon. L'ai-je perdu au télésiège. L'encre, ça se voit sur la neige. piège. Faut dire qu'il fuyait ce con. Finalement, c'est donc le moniteur qui va devoir raquer les 8 vins chauds descendus par Jean-Claude. Pendant que le moniteur va payer, Jean-Claude s'enfile le fond de la gourde de schnapps qu'il a chauré ce matin au Saint-Bernard de la cousine Simone. La descente vers le village est difficile. On ne voit rien à 5 mètres, il fait très froid, il neige de plus en plus fort et Jean-Claude est à 3 grammes dans chaque moufle. C'est alors que le moniteur devant lui accélère davantage la cadence. Jean-Claude, chauffé par le schnapps, veut absolument le rattraper et se lance tout chousse dans la pente en hurlant aussi. À fond, Jean-Claude prend alors confiance. Il resserre encore un peu plus ses skis et c'est parti. Il va même griller sur le fil le moniteur de l'ESF. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tanguer se redresse et prend de la vitesse. Il veut faire coucou de la main et se vautre un peu plus loin. Eh oui, en apercevant Monique qui l'attend en bas des pistes, Jean-Claude a voulu lui faire coucou de la main et se mange alors une tôle monumentale qui le fait atterrir dans un énorme nuage de poudreuse. C'est une explosion, résultat double entorse de la cheville droite, le week-end au ski est planté. Le lendemain, le dimanche, il a fait très beau toute la journée. Fin de l'histoire, pour Jean-Claude, c'est sûr, terminé le ski, l'année prochaine, ils iront chercher le soleil à Rio de Janeiro. Je vais à Rio de Janeiro. C'est ce que propose Claude François en 1977 parce que si tu n'aimes pas la montagne en hiver, tu peux toujours aller à Rio. Mais dans ces cas-là, surtout, n'oublie pas de monter là-haut. Alors, nous voilà donc arrivés au terme de notre randonnée montagnarde sur les pentes enneigées. De Giscard d'Estaing à Courchevel à la fille du coupeur de joint, du planté du bâton au stress du tire-fesse et de la marmotte au dahu, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être la montagne en hiver. La montagne en hiver est donc passée de l'isolement et de la répulsion à un espace dynamique et attractif où se rendent chaque année des millions de touristes pour les sports d'hiver. Cela dit, quand on pense au ski, on imagine immédiatement les Alpes. Mais la montagne en hiver, ce sont aussi les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Vosges où, paraît-il, tu peux également skier. Alors, la montagne a bien gagné avec le développement des sports d'hiver. Et il est loin le temps où le montagnard endogame était assimilé à un sauvage arriéré perdu sur les hauteurs avec ses bestiaux. Une montagne, la-la-yo, la-la-yo. J'étais tout seul sur la montagne, la-la-yo, la-la-yo. J'étais tout seul avec mes bestiaux, digue-digue-ding-digue-ding-ding-o. Je m'ennuyais avec mes bestiaux, digue-digue-ding-ding-o. Je m'ennuyais avec mes bestiaux, la-la-yo, la-la-yo. J'étais tout seul sur les coteaux. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-do. J'ai enculé tous mes bestioles. Laïaïo, laïaïo. Ah oui, Mary Bell, c'est plus que c'était. Alors maintenant, pour élargir notre horizon montagnard, la panique au Mangin Palace s'est penchée sur ce qu'il faut dire et ne pas dire aux collègues quand on rentre de vacances au sport d'hiver. Pour commencer, si tu as skié à la Bourboule, et même si tu t'y es amusé, surtout, tu ne le dis pas. Tu racontes plutôt à tout le monde que tu étais à Megève et que tu as croisé Julien Courbet qui tentait de régler un conflit dans la queue du télésiège. Ensuite, si tu n'as pas la marque des lunettes en rentrant, il faudra que tu racontes, je ne sais pas moi, que tu avais choisi par exemple une station de skieurs nudistes où tout accessoire était proscrit. C'était sympa, mais le seul souci, c'était le tire-fesse. Pour les cadeaux souvenirs, la panique au Mangin Palace te conseille d'éviter le si charmant couteau à fromage avec un manche en pied de chamois ou le si pratique coupe-papier en forme de piolet avec une alvaïs en plastique collée dessus. En revanche, tu peux ramener deux ou trois chamois vivants pour ton jardin, ça fait toujours son petit effet, ou encore un authentique dahu qui ne manquera pas d'épater tes voisins. Enfin, quoi qu'il en soit, les vacances au ski, c'est qu'une fois par an et c'est cher. Du coup, les régions sont prêtes à tout pour t'attirer chez elles. Pour vos prochaines vacances, venez donc tous en Savoie. C'est un bien joli coin de France. Vous ne serez pas déçus, je crois. Ah, les vacances en Savoie. Allez, tout le monde en Savoie. Voilà. Fin du 21e épisode, c'était C'est quoi la montagne ? Revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux, merci à lui. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2GEM, Émile Fouchetard, le génial Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Julien Chabassu, merci à lui. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi, merci beaucoup Amel. Pour les Scuds, on a Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA. Et enfin, merci beaucoup à Catherine Pinto, notre jeune stagiaire dynamique et très efficace. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao.